Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Vous êtes dans l'émission En Piste avec Tania Baudin. Comme l'a dit Mathieu Plante hier, j'étais absente de l'émission Assemblage requis. C'est mon amie Lynn qui m'a remplacée, mais aujourd'hui je suis de retour parce que ça va beaucoup mieux du côté de ma gorge. Et vous allez peut-être comprendre un petit peu plus dans le courant de l'émission parce que, encore une fois cette semaine, c'est un gros spécial Grand Prix de Trois-Rivières. Pour ceux qui ne le savent pas, la prochaine heure est complètement dédiée, ouais, disons-le comme ça, au monde de la course automobile. Et depuis la semaine dernière, eh bien, on a des spéciaux Grand Prix de Trois-Rivières parce que, comme vous le savez, la plupart d'entre vous sont déjà des amateurs de course automobile ou bien vous participez à certains événements de course automobile. Alors, de ce côté-là, la semaine dernière, on a vraiment fait le gros spécial Rallycross. Et cette semaine, eh bien, c'est le spécial de la deuxième fin de semaine, c'est-à-dire NASCAR, Nissan Micra, Porsche GT3. Alors, vous allez voir tout au long de l'émission, on va vraiment baigner dans ces eaux-là. On va discuter du Grand Prix de Trois-Rivières. On va avoir des entrevues un petit peu plus tard dans l'émission aussi. Vous allez vraiment comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et bien évidemment, comme à chaque semaine, et bien dans l'émission qu'on fait ensemble pendant la prochaine heure, eh bien c'est de la musique entièrement country, que ce soit de la musique américaine ou que ce soit du country canadien. Eh bien c'est un type de musique que j'aime beaucoup vous faire découvrir et j'aime vraiment mettre du temps sur des pièces qu'on connaît peut-être pas ou qui sont tout à fait nouvelles et vous les faire découvrir. Alors c'est un petit peu ma mission. C'est comme ça qu'on décide de faire l'émission à En Piste avec Tania Baudin. Alors pour la prochaine heure, eh bien oui, on discute de sport automobile et aussi de country. Alors, on va débuter tout ça en allant écouter une des pièces de Tim Hicks. Qui est Tim Hicks? En fait, c'est un chanteur country tout à fait canadien. Il vient de Niagara Falls en Ontario et ça fait quelques temps déjà qu'il bouge beaucoup sur la scène country musicale canadienne. Il s'en vient de notre côté ici au Québec dans quelques temps. Vous allez pouvoir le voir du côté du Festival Western de Saint-Tite. Je viens de voir ça en faisant quelques recherches sur lui. En plus, je croyais que les billets allaient être beaucoup plus chers que ça. Là, je suis en train de vérifier mon agenda si je vais pas pouvoir me rendre du côté du Festival Western de Saint-Tite le 15 septembre, parce que si jamais ça vous intéresse, eh bien, Tim Hicks va être de notre côté des lignes québécoises. Alors, on va aller écouter Hell Raising Good Time by Tim Hicks. Hey! Hey! Grew up in a good little small town. Learned to call about booze and girls. Did a lot of big dreams and we hit the ground running to the big bad world. Jump in head first, take the fast lane. If you know what I'm saying, let me hear you say yeah. We don't event on a hill raising good time. Hell yeah, till the day I die. Event on a hill raising good time. If it ain't broke, we gon' break it. If it ain't tough, we gon' take it. If it ain't got, we gon' get tonight. If it ain't strong, we gon' sing it. If it ain't drunk, we gon' drink it. We're hell bent on a hell raising good time. Yeah! If it ain't broke, we gon' break it. If it ain't tough, we gon' take it. If it ain't got, we gon' get it tonight. If it ain't strong, we gon' sing it. Hell Raising Good Time de Tim Hicks. Pour ceux qui le connaissent peut-être un petit peu mieux que moi, vous savez très bien que c'est pas une de ses nouvelles chansons. Je pense que c'est une des chansons qui est sortie dans ses premiers temps en carrière. Entre autres, elle est sortie en 2013. Mais c'est une tune qui lui a valu quand même un bon prix du côté de la musique country canadienne. Alors, je voulais vraiment vous la faire écouter. Moi, je l'ai entendue pour la première fois la semaine dernière et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis récemment. Entre autres, Stomping Ground, que vous pouvez entendre sur Internet si vous faites le tour. Et comme je vous le disais aussi, il va être du côté du Festival Western de Saint-Tite le 15 septembre prochain. Est-ce que vous saviez que ce gars-là a écrit des chansons pour Florida Georgia Line, Neil Sanderson, puis Three Days Grace? J'avais aucune idée de qui était Tim Hicks, mais maintenant que je le connais, je pense que j'allais me procurer tous ses albums parce que c'est très, très bon dans les oreilles. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, on est ensemble pour la prochaine heure. On va discuter sport automobile et bien évidemment, musique country, comme vous venez de l'entendre. Mon nom est Tania Baudin, vous êtes dans mon émission et j'espère qu'on va avoir du plaisir ensemble. Et c'est commencé! C'est quelque chose qu'on fait à chaque semaine. Je dis con, mais présentement, je suis toute seule en studio, alors je pourrais quasiment dire je. C'est quelque chose que je fais à chaque semaine. On débute le retour de ce qui s'est passé, les derniers événements en course automobile durant la dernière fin de semaine, avec justement le jingle de l'émission. Je trouve que ça part bien et ça fait vraiment un bon début au retour de tout ce qui s'est produit. Alors, de ce côté-là, vous le savez pour la plupart, la semaine dernière, on a fait un spécial Grand Prix de Trois-Rivières. Si on fait un retour sur les événements, vous l'aurez bien deviné, on va faire un retour sur le premier week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Gros week-end du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. C'était quelque chose d'assez hallucinant. On avait plusieurs nouvelles entrées dans les séries. Entre autres, je pense à la Super Moto qui était là. Je pense aussi à l'Autoquad qui était là. Formule Drift est déjà venu ici au Grand Prix de Trois-Rivières. C'était pas la première fois, mais ils étaient encore plus nombreux que l'année dernière. Alors, de ce côté-là, ça amène un côté spectacle vraiment très, très le fun. Puis, bien évidemment, les spectateurs apprécient toujours le spectacle qu'on leur donne. On s'est croisé les doigts vraiment très, très fort toute la semaine. Je pense qu'il y en a qui ont réussi à mettre leur chapelet sur leur corde à linge. Je pense que c'est ça qu'on fait, hein, pour pouvoir avoir le beau temps de notre côté. On a eu de la pluie très, très brièvement dimanche après-midi, mais ça a duré vraiment simplement 3 minutes et demie à peu près. Le temps de terminer une finale de rallycross light. Alors, de ce côté-là, ça l'a tombé pendant qu'eux étaient en piste, mais vraiment, après ça, on a pu terminer la fin de semaine en beauté. Alors, on va y aller tout simplement avec qu'est-ce qui s'est passé vraiment du côté du Grand Prix de Trois-Rivières en fin de semaine. Comme vous le savez, c'est les classes européennes, le FIA World Rallycross qui débarquait ici dans les rues de Trois-Rivières. Et j'étais du côté du Grand Prix, bien évidemment, pour l'émission en piste avec Tania Baudin pour pouvoir vous revenir avec tout ça et les bonnes informations et tout. Mais dimanche, j'ai eu la chance aussi d'animer avec les gars qui sont là, qui font l'animation sur l'événement du Grand Prix de Trois-Rivières. En fin de semaine, j'ai déjà un horaire bien, bien chargé. Si jamais vous êtes du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, on va probablement sans doute se croiser, mais je vais probablement être en train de courir entre deux stations. Mais cette fin de semaine, j'ai eu la chance d'animer des choses que j'avais jamais animées, de pouvoir pouvoir faire la description de certaines séries que je connaissais pas nécessairement. Je dois avouer que j'étais très, très bien entourée du côté de tout ce qui était connaissance. J'ai animé justement la Super Moto et l'Autoquad dimanche. Ça a vraiment été une expérience appréciée. Je pense que je ne peux pas dire un autre mot qualificatif que apprécié parce que on m'a vraiment... en fait, je remplaçais un des co-animateurs qui ne pouvait malheureusement pas être là le dimanche. Alors, on m'a donné la mission d'essayer d'en apprendre le plus possible sur la moto en quelques heures et ainsi que l'autoquad. j'ai vraiment aimé mon expérience et comme je le disais, j'étais bien entourée. J'avais entre autres le directeur de Super Moto Québec qui est François Cominardi qui était à mes côtés. J'avais Scott TJ, qui lui est aussi un des dirigeants de la série Supermoto aux États-Unis. Et j'avais Marc Quentin de RDS avec moi. Alors, de ce côté-là, j'étais quand même... Je trouvais que j'étais dans un endroit où je pouvais me sentir en confiance et je savais que si jamais il arrivait quoi, les gars allaient pouvoir me rattraper assez facilement. Mais ça s'est super bien passé et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le spectacle que ces deux séries-là, qui étaient totalement nouvelles ici au Grand Prix de Trois-Rivières, nous ont donné. Je vais commencer par l'autoquad. On a plusieurs, bien évidemment, on a plusieurs Québécois. C'était quasiment tous des Québécois qui coursaient dans cette catégorie-là. Entre autres, David Vitchek, Andrew Ranger qui lui aussi a dominé, disons-le, un petit peu du côté de l'autoquad. Et Marc-Antoine Camiran, qui lui aussi a décidé de faire le saut dans ce fameux petit bolide-là. Les gars ont vraiment décidé d'y aller pour le fun, d'y aller. Puis je pense que c'est vraiment ce qui a donné un bon spectacle aux spectateurs qui étaient là, parce qu'on pouvait sentir justement cette fameuse excitation-là et ce fameux plaisir-là que les gars avaient à être en piste, à tout simplement avoir du plaisir. Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger, ce sont des pilotes qui, en temps normal, peu importe le type de véhicule qu'on va leur mettre entre les mains, ils vont quand même bien performer. Alors, de ce côté-là, quand on dit « Ah, est-ce que vous voulez venir rouler en autoquad? » J'ai comme l'impression que les gars se sentaient quasiment en vacances. Je veux pas avoir l'air trop dur pour d'autres pilotes dans la catégorie, mais les gars ont vraiment eu l'air d'être en vacances parce qu'ils avaient du plaisir comme s'ils étaient en vacances. Et c'est ça qui était vraiment très, très le fun à voir. On a aussi vu une belle bataille entre Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran, une bataille qu'on voit quand même assez souvent lorsque ces deux Québécois-là sont en piste ensemble pour un titre. Et c'est Andrew Ranger qui a remporté l'épreuve le dimanche après-midi. Marc-Antoine Camiran a terminé deuxième et David Vitchek a terminé troisième. Pour ceux qui ne savent pas qui est David Vitchek, David Vitchek, c'est un gars qui a fait du karting pendant vraiment de très longues années. Et par la suite, on a tout simplement décidé de se lancer dans l'autoquad. Et il a très, très bien performé dimanche après-midi lors de la finale. Il y a eu quelques accrochages au courant de la fin de semaine pour d'autres pilotes aussi. Mais David Vitchek a vraiment réussi à remettre son bolide en un seul morceau, à pouvoir performer. Et si on laissait les bolides encore sur la piste quelques tours, moi, je pense qu'on aurait pu avoir une bataille, là, 1, 2, 3. Je pousse pas la donne. Je veux pas pousser la donne non plus, mais je pense qu'on aurait pu avoir une bataille à trois autoquads et là, ça aurait été vraiment magnifique. Mais de ce côté-là, c'était vraiment une super belle épreuve. Je pense que les gens ont vraiment apprécié parce que c'était quelque chose de différent. Et du côté de la super moto aussi, ben là, je pense qu'on peut pas passer à côté, il faut le dire, puis... Durant la description que l'on faisait dimanche après-midi, Marc, Quentin et moi, on le disait, c'est vraiment des gars qui ont peur de rien. C'est des gars qui ont le sang très, très, très, très chaud. Ça, on le sent déjà lorsqu'ils partent sur la ligne départ-arrivée. Les gars de moto, sérieux, ils ont peur d'absolument rien. On pourrait peut-être même dire qu'ils sont proches de la folie parce que c'est quand même risqué. On a eu quelques accrochages en piste, mais rien de bien, bien grave. Tout le monde est correct, mais on s'entend que lorsqu'on part à une quarantaine, cinquantaine de pilotes sur moto à la ligne départ-arrivée et qu'on arrive quasiment tous au premier coin ensemble. Moi, je sais pas, mais je serais du genre à mettre les freins assez rapidement, mais non, eux, on y va vraiment à fond la caisse. Et ce qui est vraiment très intéressant avec ça, parce que comme je vous le disais, moi, c'est pas une série que j'avais eu la... la chance de pouvoir couvrir avant ça. Alors, en fin de semaine, j'ai vraiment appris de cette fameuse série-là qui est la Supermoto et la technique de conduite et tout ce qui a trait à l'atterrissage à la suite des sauts. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et encore une fois, je pense que les spectateurs ont beaucoup apprécié ce spectacle-là. Je pense que le nombre de pilotes qui étaient en piste faisait en sorte aussi que le spectacle était vraiment très, très plaisant à regarder. On a eu de belles batailles. C'était divisé, bien évidemment, en plusieurs catégories, entre autres amateurs, pros et pro-light. Alors, on a eu droit vraiment à plusieurs spectacles différents. On avait ceux qui connaissaient vraiment ça et on peut le dire, là, ceux qui étaient quand même fous dans leur tête. Et on avait ceux qui étaient amateurs qui connaissaient ça autant qu'eux, mais c'est peut-être simplement l'expérience qui était un petit peu moins là. Donc, de ce côté-là, c'était vraiment intéressant. On en avait pour tous les goûts. Et bien évidemment, du côté du Rallycross, Rallycross Light et Rallycross World, ça l'a super bien été. Je le disais tout à l'heure dans la finale de Rallycross Light, malheureusement, il s'est mis à mouiller, ce qui a fait en sorte que plusieurs pilotes ont perdu le contrôle de véhicule. D'autres s'attendaient aucunement à ce qu'ils se mettent à mouiller. Alors, de ce côté-là, ça a été très, très fun pour le côté spectacle parce qu'on a pu voir des contrôlages dérapés, ouais. Non. On a pu voir des voitures de rallycross light faire de la drift, mais on a pu voir aussi ce fameux talent de pilote de course dans le sable qui était devenu de la boîte à un certain moment. Alors, de ce côté-là, ça a vraiment donné un beau spectacle. Et si on se transporte du côté du rallycross world, eh bien, là, plein de rebondissements. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui ne s'attendaient pas à ce que ce soit le résultat qui a eu. Je pense entre autres à Peter Selberg qui a eu quelques complications en fin de course. Malheureusement, un accrochage qui l'a relégué à la dernière position. Sachez que pour ceux qui ont Facebook et qui ont Peter Selberg sur Facebook, il est sorti de l'hôpital, il va bien. C'était simplement un check-up. Ce petit accrochage-là a fait en sorte que malheureusement, Peter Selberg a dû être transporté du côté de l'hôpital. Mais comme je vous le dis, tout est beau. C'était simplement pour un check-up. Il va bien puis il dit qu'il est prêt pour la prochaine round du côté de l'Europe. Il est encore présentement leader au championnat du World Rallycross, mais celui qui en a, je pense, je pourrais dire, épaté plusieurs, c'est Andreas Backerud qui était dans la même écurie que Ken Block. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne s'attendaient pas à ce qu'Andreas Backerud fasse la finale parce que vous savez, pour ceux qui connaissent le monde de la rallycross, c'est des manches qualificatives, ce sont des courses et on doit absolument pouvoir se qualifier dans l'une des, si je me souviens bien, c'est quatre ou six places. Pour pouvoir accéder à la finale. Alors, de ce côté-là, je pense que plusieurs ne pensaient pas qu'Andreas Backerud allait pouvoir faire la finale. Je pense que lui-même aussi était très, très surpris. Lorsque j'ai discuté avec lui à une séance d'autographe dimanche après-midi, il me disait, bien, écoute, il dit, c'était avant les demi-finales, il me disait, je pense que pour le moment, tout va bien. J'essaie encore de rester focus le plus possible. En demi-finale, il devait terminer minimum en sixième position pour pouvoir accéder au final. C'est quelque chose qu'il a réussi à faire. Il a gagné une des manches qualificatives. Alors, de ce côté-là, ça lui donnait beaucoup plus de points. Il s'est rendu du côté il s'est rendu du côté de la finale, bien évidemment, et il a terminé en deuxième position. Il le disait après la course lui-même, très, très content de sa performance. Il était super content pour le gagnant qui sera, j'espère que je vais bien dire son nom, là, mais c'est pas super facile, OK? Si je me souviens bien, c'est Timmy Häkkinen qui a gagné. Alors, Timmy Hansen, voilà, qui a remporté l'épreuve du rallycross au Grand Prix de Trois-Rivières, et Andreas Backerud se disait lui-même même très, très content pour lui. Et il disait, pour moi, la deuxième place présentement, c'est une victoire. C'est pas sa première deuxième place. Ça fait quelques événements qu'Andreas Backerud en surprend quelques-uns. Alors, de ce côté-là, j'ai bien hâte de voir si, à la fin de l'année, on va pouvoir avoir monté un petit peu plus haut du côté d'Andreas Backerud. Mais Peter Selberg, présentement, conserve quand même la tête du championnat en gros, là, les points du championnat en général, c'est encore Peter Selberg qui mène. Alors, on devrait regarder ça de près dans les prochaines semaines. Pour ceux qui aiment beaucoup le rallycross, ça devrait être quelque chose de très, très intéressant. On fait une courte pause. Ça va être une pause musicale bien évidemment. On va aller écouter du country, ça va être Old Dominion avec la pièce Snapback et on se retrouve tout de suite après. Strictly out of curiosity, what would happen if you got with me? Kissing you would hit the spot with me. Come and skip a couple rocks with me. Give me any of your heart tonight. Ain't no reason that we need to be apart tonight. I got something we can start tonight. Looking at you, girl, it's hard to fight. Those stars need to be wished on. Your skin needs to be kissed on. My eyes, baby, they're fixed on you in your snapback. T-shirt and your favorite rock band. Checking your makeup and my Ray-Bans. Breaking hearts like only you can in your snapback. Come on, baby, shoot a smile at me. Midnight selfie on the balcony. A little something from my lock screen. You're burning a hole in my pocket. We got the beat, let's drop it. Those stars need to be wished on. Your skin needs to be kissed on. My eyes, baby, they're fixed on you in your snapback. Tattoos cut off some Converse. Singing along to the song with the wrong words. Every move you make, baby, it works in your snapback. Your skin needs to be kissed on. My eyes, baby, they're fixed on you in your snapback. T-shirt and your favorite rock band. Checking your makeup in my Ray-Bans. Breaking hearts like only you can in your snapback. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. In your snapback. Toujours à l'antenne de Cifou 89.1 FM pour l'émission En Piste avec Tania Baudin. On est déjà rendu à la moitié presque de l'émission. Ça passe vite, une heure. Je pense que je l'ai dit à chaque semaine. Je vais devoir replanifier tout ça pour peut-être avoir plus de temps dans mon émission. Mais on est dans le spécial deuxième fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières. La semaine dernière, on a jasé de rallycross. On a jasé avec Jean-Michel Leroy, qui est un journaliste, une bible du monde du rallycross. Il est toujours à Trois-Rivières. J'espère le croiser en fin de semaine. Je sais qu'il reste pour la fin de semaine NASCAR. J'espère avoir plus de temps pour discuter avec lui, parce que si vous étiez en onde la semaine dernière, bien, vous savez à quel point c'est une bible. C'est un gars qui connaît ça, le monde du sport automobile. Alors, c'est toujours très, très plaisant. Je le salue dès ce moment. Et comme je l'ai dit, on est dans le spécial Grand Prix de Trois-Rivières. Qui dit Grand Prix de Trois-Rivières dit... comment je pourrais dire ça, dit changement du centre-ville, changement de la ville au grand complet. Lorsqu'on arrive au Grand Prix de Trois-Rivières, ça bouge beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a à faire du côté du Grand Prix de Trois-Rivières et du centre-ville cette fin de semaine? Eh bien, on va tout simplement commencer tout ça aujourd'hui, dès 5h au centre-ville, il y a un 5 à 7 qui s'appelle « Sur les chapeaux de roue ». Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un concours d'arrêt au puits sur la voiture de Formula Tour 1600. Alors, une Formule 1600 qui appartient à Jean-Philippe Jodoin. Ça, ça se passe du côté du centre-ville ce soir, dès 5h. Vous voulez pas manquer ça. Aussi, à 19h, il y a le fameux cinéma en plein air. C'est quelque chose que l'on fait depuis quelques années maintenant du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça va mettre en vedette le fameux film... Nitro avec Guillaume le Métivierge, un film qui avait été fait il y a déjà quelques années, et là, il en sort un deuxième. Alors, bien évidemment, si on calcule ça côté marketing, c'est pas pire pantoute comme idée. À 21h, vous allez avoir aussi un deuxième film en plein air avec le fameux documentaire La démolition familiale. Alors, du côté du centre-ville, ce soir, ça commence aujourd'hui et ça dérougit pas. Avant dimanche. Demain, il va y avoir la parade, cette fameuse parade-là que vous avez eue la semaine dernière pour le rallycross. Bien, vous l'avez aussi en fin de semaine pour les équipes de la série NASCAR Pinties et beaucoup d'autres séries. Peut-être, qui sait, des Nissan Micra, des voitures exotiques. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette fameuse parade-là. Alors, soyez au Grand Prix, au centre-ville dès demain. De 17h30 pour la parade. 18h, il va y avoir une séance d'autographe avec tous les pilotes de la série NASCAR Pinties. Et il va y avoir aussi un spectacle avec le groupe OSN Band à 19h30 demain. Et bien évidemment, samedi, c'est les fameux feux d'artifice du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un incontournable lorsqu'on arrive à cette fameuse grosse fin de semaine-là. C'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Et année après année, les feux d'artifice grossissent comme ça n'a pas de bon sens. Alors, de côté-là, vous voulez être du côté du centre-ville de Trois-Rivières cette fin de semaine. On fait une courte pause parce qu'il est déjà rendu 14h30 et après ça, on va discuter avec Kevin Bocage. Qui est Kevin Bocage? Vous êtes assez fou? 89. On est encore ensemble pour la prochaine demi-heure dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Puis là, je suis pas habituée à ça. Il y a du monde dans mon studio. En temps normal, il y a pas grand monde dans mon studio. Soit ça se fait au téléphone ou soit ça se fait par Skype. Mais bien souvent, je suis toute seule à moins que Mathieu Plante décide d'arriver avant le temps. Ça, c'est vraiment très rare. Alors, avec moi présentement en studio, j'ai Denis Baudin et Kevin Bocage. On est trois, là, présentement en studio. Kevin Bocage, qui est, comment on pourrait te nommer, Kevin, directeur de l'Académie André Ranger? Exactement, c'est depuis 3 ans avec Andrew qu'on a démarré cette aventure-là. Et puis, vraiment, là, on s'occupe de tout ce qui est côté opération, là, vraiment, là, de l'Académie André Ranger. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous offrez à l'Académie? C'est des tours de piste? On peut-tu conduire nous-mêmes? Comment ça se passe? Bien, vraiment, on a différentes formules disponibles à l'Académie. On parle vraiment là, des expériences autant en formule copilote pour les gens qui ne veulent pas nécessairement là, venir piloter une voiture NASCAR, mais veulent quand même là, essayer le bolide, de vivre les sensations fortes là, aux côtés d'un pilote professionnel. Alors ça, c'est des expériences qui sont vraiment disponibles. Mais vraiment, nos forfaits les plus populaires restent vraiment là, les formules là, au niveau là, que les participants vont vraiment piloter la voiture NASCAR sur le circuit. Ça peut être des formations pour seulement quelques tours ou vraiment des formations plus approfondies, excusez-moi, avec Andrew. Donc, on a différentes formules de disponibles. On est aussi accrédité, finalement, là, sanctionné par la FIA, okay. qui est représentée au Québec par Fédération Auto-Québec pour émettre les licences de pilote. Donc, comme tu parlais tout à l'heure, la série Nissan Micra, on a émis beaucoup de licences là, pour les nouveaux pilotes là, dans cette série. Et puis, vraiment, il y a des gens qui viennent faire un peu là, des cours de perfectionnement avec Andrew, étant donné qu'on sait là, sa réputation n'est pas à faire là, sur le circuit routier. Donc, il y en a qui viennent apprendre quelques trucs, comme on dit. Bien, c'est ça. Moi, je savais même pas que vous pouviez donner des licences de pilotage. Alors, de Absolument. Ce côté-là, si quelqu'un décide de passer du monde du karting, exemple, au monde de la NASCAR ou de la Nissan Micra, ça, c'est quelque chose que vous offrez. Absolument. Puis, vraiment, du côté de la NASCAR, ça fonctionne un petit peu différemment. Mm-hmm. Du côté de la NASCAR, vraiment, ils vont demander un peu de l'expérience okay. derrière un véhicule, derrière le volant d'un véhicule de course. Donc, souvent, la série NASCAR, que ce soit la série NASCAR Pinties, vont nous appeler appeler et puis nous demander là, de donner de l'expérience derrière le volant à ces participants-là, ces pilotes-là qui veulent graduer justement dans des classes supérieures. Vraiment, ça fonctionne un petit peu différemment. La NASCAR, là, vraiment, là, des autres séries sanctionnées, mais vraiment, là, on est capable, là, avec l'éventail de formules qu'on offre, là, vraiment, de former les futurs pilotes, vraiment. Dis-moi, l'académie, elle se trouve où? Vraiment, nous, on est basé de façon permanente au circuit Saner, dans la région de Saint-Hyacinthe, un mythique circuit vraiment de 9/10 de mille. Oui. On a vraiment une piste triovale et on a également une piste de circuit routier qui fait qu'on peut vraiment là, perfectionner nos élèves sur les deux styles de pilotage. Et puis, bien sûr, le triovale de 9/10 de mille, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une piste unique. C'est vraiment la plus grande piste de ce type-là au Canada quand on la met dans la catégorie ovale et triovale. C'est sûr, c'est rien de comparable avec la série NASCAR où c'est considéré comme une petite piste, vraiment. Okay. Mais vraiment, ici au Canada, c'est la plus grande. Donc, c'est le fun, les gens, c'est le fun d'offrir aux gens cette opportunité-là de venir piloter une voiture NASCAR sur une grande piste comme ça, là, justement. Puis là, dernièrement aussi, vous avez fait acquisition de d'autres types de bolides. Là, vous offrez des rallyes en T-Rex, c'est ça? Ben oui, absolument. C'est que toujours dans le but d'agrandir notre portefeuille d'activités, on voulait offrir une autre formule que les formules sur la piste, justement, que le concept sur la piste. Depuis le début de la saison, on a fait l'acquisition là, avec un partenariat avec la compagnie U-Drive de voitures, de véhicules T-Rex. Et puis, jusqu'à récemment, là, justement, on est en train d'intégrer d'autres styles de bolides, comme les véhicules exotiques, qu'on parle de, que ce soit de Lamborghini, Ferrari. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment plaisant? Contrairement à la formule vraiment là, de piste, c'est que les gens peuvent vraiment essayer ces bolides-là sur la route. Donc, vraiment, ils peuvent partir avec un passager. On s'entend que les formules sur la piste, c'est vraiment un coach qui est assis là, sur le siège de droit. Mais c'est vraiment plaisant d'essayer aussi ces bolides-là là, sur la route. Donc, comme qu'on dit, le concept, c'est un peu plus de profiter du bolide que vraiment là, l'essayer, le tester sur la piste. Alors, ça offre l'opportunité aux gens de pouvoir partir deux dans le véhicule et partir pour une bonne ride sur les routes du Québec. Fait que c'est vraiment plaisant. Puis, en fin de semaine, vous allez être parmi nous au Grand Prix Trois-Rivières vendredi matin. Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Pour notre deuxième édition cette année, on avait commencé ça l'année passée dans le cadre là, des festivités du Grand Prix. C'est que le vendredi matin, qui est ce vendredi qui s'en vient, on offre la possibilité là, vraiment là, aux amateurs du Grand Prix de venir là, essayer une voiture NASCAR là, directement sur la piste là, du GP3R. En plus de ça, vraiment, ça va être nos pilotes professionnels de votre région, Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin, qui vont être derrière le volant de ces voitures NASCAR-là, en plus d'Andrew qui va être également disponible. Donc, vraiment, les amateurs vont pouvoir vivre là, vraiment la fièvre du Grand Prix là, directement sur le circuit. Ils vont pouvoir vraiment se faire brasser là, dans ces gros bolides-là puis voir à quel point le circuit est quand même intimidant ici. Là. Et comment ça fonctionne si on veut justement faire ce tour-là? On appelle quelque part ou on se présente automatiquement sur le terrain? Absolument. Je peux vous laisser les coordonnées. Vous pouvez visiter notre site web là, justement au www.academieandrewranger.com. Sinon, vraiment, là, vous pouvez toujours nous rejoindre là, notre numéro sans frais au 1-800-995-2084, le 1-800-995-2084. Et en plus, là, vraiment, là, vous pouvez faire la réservation. Il nous reste encore quelques places de mémoire là, pour ce vendredi, autant avec Louis-Philippe, vraiment avec Jean-François et Andrew. Les places partent quand même assez rapidement. C'est important de faire une réservation, mais par contre, vraiment, là, on va être capable de vous dénicher un petit trou là, à ce moment-là. Puis, vous avez quand même une belle plage horaire. Là. On a du temps pour le faire. Je crois que c'est de 9h à 11h, c'est bien ça? Exactement. Vendredi matin, donc, les premiers tours de piste vont avoir lieu là, vraiment à 9h le matin jusqu'à 11h. Ça va être une belle plage horaire là, pour lancer vraiment officiellement les festivités du Grand Prix là, pour le week-end. Excellent. Messieurs, vu que je vous ai les deux en studio, je pense que je vais y aller de la même question que j'ai posée à mes chers amis sur Facebook. Donnez-moi vos prédictions de la fin de semaine. Oh, hein, ça semble difficile. Ben, écoute, de mon côté, c'est sûr... Étant donné qu'Andrew est mon partenaire d'affaires là, vraiment dans cette aventure-là, ça serait vraiment le contraire à moi de pas prendre pour lui, justement. Mais il faut également dire qu'il y a vraiment des bons pilotes. Qu'on parle de Jean-François Dumoulin, Louis-Philippe Dumoulin. On a vu l'an passé, justement, la finale de fin de course avec Kevin Lacroix, Alex Labbé, qui est très compétitif aussi là, avec l'équipe de Dave Jacob. Donc, il y a une multitude de pilotes, je crois, qui peuvent gagner ce week-end. Mais c'est bien sûr là, que mon cœur va avec Andrew là, pour ce week-end. Et toi, Denis? Bah bon, écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, NASCAR a annoncé 19 véhicules. D'accord. Dans les 19 véhicules, il y a 11 Québécois. Donc, on peut s'attendre à un podium tout à fait québécois. Je pense que dans les prochaines heures, la grille de départ devrait se compléter espérons pour 25 véhicules, mais là, je crois que Trois-Rivières étant ce qu'il est, on va se retrouver quand même avec trois bons pilotes québécois sur le podium. Faut souligner aussi au Grand Prix de Trois-Rivières cette année la venue d'un Earnhardt, mm-hmm. la famille Earnhardt. Je sais pas si Jeffrey Earnhardt, on en a parlé plus tôt, aux couleurs de Can-Am. Donc, c'est Can-Am aura deux véhicules dans le 50 tours Can-Am à Trois-Rivières. Et Earnhardt, on va découvrir les circuits routiers. Parce qu'il faut se souvenir que Jeffrey Earnhardt est un pilote d'Oval. En effet. Il va découvrir le circuit routier de Trois-Rivières. On l'attend demain en fin de journée, qui devrait arriver à Trois-Rivières. Dans les autres séries... Du côté Porsche GT3, là aussi, il y a du talent. Là aussi, il y a du talent. Écoute, on peut pas... passer sous silence ton collaborateur à l'occasion, Daniel Morad. Mm-hmm. Je pense que Daniel Morad devrait nous faire un podium à Trois-Rivières. Surveiller aussi la voiture McDonald's de Martin Harvey. Martin, dans sa catégorie, devrait aussi nous faire un podium sur une lancée impressionnante depuis les trois dernières courses. En Nissan Micra, ben, aussi un collaborateur de C'est fou, Kevin King, qui mm-hmm. est un pilote à surveiller, qui devrait... être tout près du podium, tout près de la première marche de podium. Et en Formule 500, mais malheureusement, cette année, j'ai moins suivi. Donc, ça va être plus difficile pour moi de faire des prédictions. Et en Trois-Rivières, cette année, la nouvelle série des Mazda prototype. Qui est à découvrir pour les amateurs de voitures de style Le Mans un peu. C'est une série qui peut être intéressante. Les organisateurs de la série viennent tout juste d'arriver il y a quelques minutes. Okay. En quittant ici, on s'en va les retrouver pour commencer à placer les choses. C'est nouveau pour eux, donc ils doivent découvrir le circuit de Trois-Rivières. Bien, messieurs, on vous remercie beaucoup d'être passés en studio. On vous souhaite la meilleure des fins de semaine et surtout un restant de semaine. J'imagine que vous allez être du côté du centre-ville ce soir pour faire les activités qui nous sont présentées. Alors, on se retrouve cette fin de semaine du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Et pour nous, eh bien, on va aller, bien évidemment, faire une petite pause de musique. On va écouter Back Road Song de Granger Smith et on se retrouve tout de suite après. Barbed wire fence carving on a hillside, cutting holes in the midday sun. Like a postcard framed in a windshield covered in dust. I love the rhythm of an old gray blacktop, 33's just whistling by. Steer the wheel one-handed on a two-lane, hugging that line. I got the windows down, no one else around, singing. Feel the wheels like a melody, like a radio dialing in strong. Come on, sing along to my back road song. Ooh. Ooh. I hit the brakes for an old New Holland, hammer down and pass them on up. The breeze smells like a summertime hay field's just been cut. I got the windows down, way out of town, singing. Ooh, freedom is the miles I'm rolling on. Ooh, out here cruising to a backroad song. I feel the wheels like a melody, like a radio dialing in strong. Come on, sing along, sing along to my backroad song. The only way today could get better, girl, what I'm thinking is I can pick you up, be sliding in this truck, and I can hear you singing. Let me hear you singing. Ooh. Ooh. Freedom is the miles we're rolling on. Ooh. Out here cruising to a backroad song. I feel the wheels like a melody, like a radio dialing in strong. Come on, sing along to my back room song. Come on, sing along to my back room song. This is my backroom song. This is my backroom song. Come on, sing along to my backroom song. De retour en piste avec Tania Baudin sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, CIFU 89.1 FM est le diffuseur officiel de tout ce qui se passe pendant les week-ends du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, si vous ne pouvez pas malheureusement être sur le terrain, mais que vous voulez suivre les courses, vous voulez savoir ce que les annonceurs ont à dire, ce que les descripteurs, les analystes, tout ce qui se passe vraiment sur le terrain du Grand Prix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez simplement à chercher 89.1 FM sur votre radio ou encore sur Internet, parce que vous pouvez très bien écouter tout ça en ligne. Il y a aussi l'application qui est très facile à utiliser sur les téléphones intelligents. Là, en même temps que je vous parle, j'essaie justement d'aller trouver mon application. Alors, de ce côté-là, si vous cherchez CIFU Live dans votre Apple Store ou encore, vous pouvez aller voir sur le site Internet comment retrouver les applications pour vos différents types de téléphones cellulaires si vous n'avez pas nécessairement un iPhone ou un téléphone à Apple, comme j'aime bien le dire. Alors, de ce côté-là, j'ai demandé tout à l'heure à Denis et à Kevin de me donner leurs impressions par rapport à qui allait monter sur le podium, qui est-ce qu'on devait surveiller. J'ai aussi posé la question à certains, j'ai posé la question sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. J'ai eu quelques réponses. Cynthia Doré nous dit que Andrew Ranger devrait gagner du côté de la NASCAR, Kevin King devrait gagner du côté de la Nissan Micra, et on compte sur Chris Green pour le côté de la Porsche GT3 canadienne. Tout à l'heure, Denis nous disait Daniel Murad. Kevin avait l'air de dire aussi la même chose. Chris Green est un pilote qui s'y connaît beaucoup. Le fameux circuit du Grand Prix de Trois-Rivières a été un tremplin pour plusieurs pilotes. Je pense entre autres, bien évidemment, au Dumoulin. Je pense à Andrew Ranger, Marc-Antoine Caméran, Alexander Rossi qui a gagné le Indy 500 il n'y a pas très très longtemps. A déjà coursé au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça a été un tremplin pour lui aussi lorsqu'il coursait en Skip Barber. Sachez que ça a été le plus jeune pilote sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Il avait alors seulement 14 ans lorsqu'il coursait en Skip Barber, et ça a été un tremplin pour lui aussi, ce fameux gros événement-là. Du côté des prédictions, il y a d'autres gens qui me disent Alexandre Tagliani. Il y en a d'autres qui me disent Daniel Murad, Zachary Robichon aussi du côté de la Porsche GT3 Cup Canada. Alors, de ce côté-là, j'ai vraiment l'impression que ça va bouger beaucoup. Tout à l'heure, on discutait avec Denis du nombre d'entrées. Aussi, la venue de Jeff Hannard qui va être là. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir plusieurs surprises en fin de semaine. On se rappelle, l'année dernière, ça avait eu une fin de course assez remarquable. Merci, comme le disait Kevin tout à l'heure, avec Kevin Lacroix et Andrew Ranger. Cette année, j'ai hâte de voir qui va se hisser au devant. Il va falloir garder un œil sur les deux du Moulin, pas simplement Louis-Philippe, pas simplement Jean-François, vraiment les deux ensemble, parce que s'il y a des pilotes qui connaissent extrêmement bien le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières comme le fond de leur poche, c'est bien évidemment les deux frères du Moulin du côté de la série NASCAR Pinties. Alors, de ce côté-là, Si moi j'y vais de mes propres prédictions, je pense que je veux dire qu'Andrew Ranger va monter sur la plus haute marche du podium. On va avoir un des Dumoulin sur le podium. Je ne sais pas encore lequel. Je ne peux pas prédire lequel ça va être, mais j'ai vraiment un feeling qu'un des deux du Moulin va être sur le podium. Puis là aussi, il y a Marc-Antoine Camiran qui devrait être parmi nous durant la série NASCAR Pinty's en fin de semaine. Là aussi, de côté, j'ai l'impression que ça va impressionner. J'ai goût d'y aller avec soit Kaden Lapsevich ou Alex Labbé sur la troisième marche du podium pour la série NASCAR Pinty's. Kaden Lapsevich qui a fait une de ses premières victoires dans l'Ouest canadien il n'y a pas très très longtemps. Alors de ce côté-là, j'ai vraiment l'impression que ça va lui donner le boost que ça a à lui donner. Bien évidemment, c'est un pilote de circuit ovale en temps habituel, mais là on fait la saison complète pour Kaden Lapsevich et j'ai comme l'impression qu'après une belle performance du côté de Mosport, belle performance aussi du côté de Toronto, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être très très impressionnant en fin de semaine sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc Kaden Lapsevich ou Alex Labbé sur la troisième marche du podium dans la série NASCAR Pinty's. C'est quelque chose à voir. Du côté de la Nissan Micra, il y a des pilotes qu'on doit absolument surveiller, bien évidemment. Moi, je vais y aller de mes prédictions. J'espère que Valérie Limoges va pouvoir monter sur une des marches du podium. C'est une fille qui, elle aussi, connaît très bien le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières comme le fond de sa poche. Ça fait des années qu'elle course ici sur ce circuit-là. On la retrouve en série NASCAR, en Nissan Micra depuis maintenant le début de la saison. On performe bien du côté de Valérie Limoges. On a bien performé du côté de Tremblant aussi. Alors, j'ai l'impression que Valérie Limoges pourrait être peut-être une surprise pour certains en fin de semaine. Bien évidemment, il faut surveiller, comme le disait tout à l'heure les gars, Kevin King, qui est un des collaborateurs de C'est fou 89 FM. Kevin qui performe tout le temps très, très bien du côté de la Nissan Micra. On a aussi le meneur du championnat présentement, Xavier Coupal, que l'on va devoir surveiller. Je sais pas si on le fait monter sur le podium dans mes prédictions. Ça va être difficile. Il y a aussi le jeune Olivier Bédard qui en est pas à sa première victoire du côté du Grand Prix, du côté du circuit trifluvien. Alors, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'en Nissan Micra, ça va être très, très, très serré. J'ai beaucoup de noms en tête aussi. L'année dernière, c'est Stéphane Radzinski qui avait gagné avec les deux Thaïlandais. De ce côté-là, c'est difficile. Je sais vraiment pas. Je pense que je vais y aller pour Olivier Bédard va se ramasser sur le podium. Ça, c'est sûr et certain. Kevin King aussi. Puis, je pense que je vais garder Valérie Limoges sur ma troisième marche du podium. Reste à déterminer si Olivier Bédard va être sur la plus haute ou sur la deuxième. Même chose pour Kevin King, ça va être à surveiller du côté de cette fin de semaine. Et la Porsche GT3 Cup Canada, si je vais de mes propres prédictions, comme le disait tout à l'heure Denis, Daniel Morad, c'est clairement un des pilotes à surveiller. Scott Hargrove, on doit absolument le surveiller cette fin de semaine. Il a remporté l'épreuve, une des deux épreuves du côté de Toronto, leur dernière épreuve. C'est un pilote qui a tout raflé l'année dernière aussi, si je me souviens bien. On a remporté les deux épreuves du côté de la Porsche GT3 pour Scott Hargrove, un pilote canadien. Il vient de l'Ouest canadien, de Vancouver. Je pense que Scott et Daniel, je ne sais pas encore, comme pour Olivier Bédard et Kevin King, je pense que les deux, on devrait les mettre peut-être ex aequo, là, soit la première ou la deuxième marche du podium. Puis en troisième, j'ai le goût de dire Zachary Robichon. Zachary qui est un pilote qui s'y connaît très, très bien. Ça fait longtemps qu'il fait du karting. Il a fait de la formule aussi pendant quelques années. Et là, on a décidé de faire le saut en Porsche GT3 Cup Canada pour la saison. Alors, puis c'est un pilote qui est très, très talentueux, très, très technique. Si je me souviens bien, ça va être la première apparition, non, deuxième apparition de Zach Robichon au Grand Prix Trois-Rivières. Je pense qu'il avait déjà coursé en Formule 1600 il y a quelques années. Alors, de ce côté-là, c'est un autre pilote à surveiller, pilote ontarien. Je vais placer Zachary Robichon sur la troisième marche du podium. Scott Hargrove puis Daniel Morad, je ne sais pas lequel des deux va pouvoir remporter cette épreuve-là, mais j'ai hâte de voir si mes prédictions vont être bonnes parce que ça devrait donner tout un spectacle. Et tout à l'heure, je vous parlais des Frères Dumoulin. Bien évidemment, c'est une épreuve à la maison pour eux. Alors, si on fait un petit tour du web rapide pour discuter du Grand Prix de Trois-Rivières, sur le site de Pole Position, vous pouvez retrouver, entre autres, un article qui parle des Frères Dumoulin et du Grand Prix de Trois-Rivières. J'aime beaucoup le fait que les deux gars disent qu'à chaque année, c'est tellement C'est l'événement où on doit aller. C'est tellement important pour eux, Trois-Rivières. Ils ont vraiment hâte d'être en piste devant toutes les personnes qui sont quasiment de leur famille, amis, famille. Ce sont des gens qui sont impatients de les revoir en piste. Donc, c'est un rendez-vous pour les amateurs des deux frères du Moulin. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, parce que ça fait quelques fois qu'on dit que peut-être Louis-Philippe n'aurait pas le début de saison qu'il avait besoin. Par contre, depuis l'Ouest canadien, j'ai comme l'impression que ça s'est placé pour Louis-Philippe. Donc, de ce côté-là, j'ai l'impression que ça va être vraiment une belle bataille, que ce soit pour Jean-François, que ce soit pour Louis-Philippe. Ce sont des pilotes qui ont remporté plusieurs épreuves de ce côté-ci. Alors, je pense que ça va performer à très, très grande puissance cette fin de semaine du côté de Trois-Rivières. Et là, j'essaie de voir si il y a Simon Dionvien aussi qui va participer à l'événement du Grand Prix Trois-Rivières cette fin de semaine. Du côté du... J'essaie vraiment de voir. Puis... il y a Andrew Ranger aussi, parce qu'on a discuté de l'académie, mais Andrew Ranger et moi discutions cette fin de semaine après son épreuve de rallycross. Justement, il se disait, lui, très, très impatient de pouvoir arriver à la fin de semaine NASCAR. Il allait mettre toutes ses forces sur ce week-end-là. Ça n'a peut-être pas été le week-end parfait pour lui du côté du rallycross. Par contre, une épreuve de gagner en autoquad, peut-être qu'il sera de retour l'année prochaine dans un autoquad, on ne sait pas. Mais c'était vraiment très, très le fun de le voir en piste. C'est un gars qu'on le sait, il vient de la terre, il vient du monde de la terre. C'est un gars qui a fait de la moto. Alors, de ce côté-là, ça pouvait se voir qu'Andrew Ranger était très, très content. J'ai hâte de voir... à quel point il va être focus lorsqu'il va arriver, comment il va être concentré lorsqu'il va arriver ici à Trois-Rivières. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se ramasser sur le podium ici à Trois-Rivières en fin de semaine. Ça va être quelque chose à surveiller de très, très près, ça. Il y a Valérie Chiasson aussi. Là, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais il y a Valérie Chiasson aussi du côté de la Porsche qu'on va devoir probablement garder un œil, parce qu'elle course aussi en Nissan Micra. Alors peut-être que dans les deux catégories, on pourrait avoir une femme sur un podium. Ça va être tellement un beau week-end rempli d'épreuves et rempli de challenges pour plusieurs pilotes, j'ai l'impression. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Bien évidemment, comme à chaque année, ça va être rempli de spectateurs. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est très, très... Il y a une excitation autour de la ville qui embarque. Tout à l'heure, je parlais des activités qui commence déjà en fin de journée, ce soir, du côté du centre-ville. Alors, de ce côté-là, il y a une effervescence, mais il y a vraiment de l'excitation de tout le monde à Trois-Rivières lorsque le Grand Prix de Trois-Rivières arrive. Et la semaine dernière, on en a eu l'exemple pur. Ça a été un super beau week-end du côté du rallycross. Même Sébastien Loeb disait que le circuit de Trois-Rivières, c'est un circuit très, très plaisant. La ville est excellente. Les gens sont accueillants. Alors, de ce côté-là, j'espère que vous allez être vous-même du côté du Grand Prix de Trois-Rivières en fin de semaine. Pour nous, pour ce qui est de C'est fou 89.1 FM, eh bien, on fera la diffusion en direct du site. On a eu quelques complications la semaine dernière. Par contre, cette fin de semaine, tout est beau. Le kiosque va être monté, je pense que c'est demain. Alors, de ce côté-là, si jamais vous passez devant, bien évidemment, venez nous dire salut, ça va nous faire plaisir. Et l'émission En piste avec Tania Baudin va être en onde les matins avant que les événements commencent. Donc, si vous regardez les horaires qu'il y a sur le site Internet du Grand Prix de Trois-Rivières, vendredi, ça commence à midi. Eh bien, vers 11h, En piste avec Tania Baudin devrait commencer. Du côté de samedi, ça commence à 8h. Alors, probablement vers 7h, En piste avec Tania Baudin va être en onde. Ainsi que dimanche, 7h, même heure, on devrait pouvoir diffuser une heure d'En piste avec Tania Baudin, spécial Grand Prix de Trois-Rivières, directement sur place avec des pilotes. On devrait avoir des entrevues, bien évidemment. J'espère que mon co-animateur Mathieu Plante va me donner un coup de main de ce côté-là. Ça devrait être très, très intéressant. Et comme je vous le disais, si vous êtes là, bien, passez nous voir. Sachez, pour ceux qui veulent venir vendredi, la journée, elle est gratuite et elle commence à midi. Ça sera beaucoup des courses de soir. C'est quelque chose que l'on fait depuis quelques années maintenant du côté de Trois-Rivières. Alors, vous voulez être là, manquez pas ça. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est gros et on va s'en reparler la semaine prochaine, bien évidemment, pour faire un retour sur ce qui s'est passé. C'est déjà tout pour l'émission En piste avec Tania Baudin et on va se laisser avec la pièce de River Town Saints, Cherry Bomb, une pièce que je vous ai fait découvrir découvrir déjà il y a quelques semaines, mais que j'adore beaucoup. On se dit, bien mon Dieu, on se dit même pas la semaine prochaine, on se dit à vendredi matin. Bye tout le monde! Hey, yeah! Hey, yeah! Hey, yeah! Cause she's a cherry bomb. She's a snake size six in her six inch heels. She's a fool on the floor, hell on wheels. She's an eye of a tiger if you're looking for a cat fight. She's a flame on fire in the middle of midnight. Hey, yeah, she got it going on like hell, yeah. She's my wild cat of my health, is better than my. After I gotta go get her, my Jolene, my Delta Dawn. She blows me up, she turns me on. Need a firecracker, she's a cherry bomb. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Need a firecracker, she's a cherry bomb. Lazy little devil in my atmosphere. Wings when the smoke is clear. She's my backwards breeze, she's my lightning storm. Yeah, she's a brand old cyclone in my arms. Hey, yeah, she got it going on like hell, yeah. She's my wildcat and my health is better than my ever after. I gotta go get my Jolene, my Delta Dawn. She turns me on, need a firecracker, she's a cherry bomb. She packs a whole lot of punch for a little bitty thing. Make your body shake and make your ears ring. Better step on back. Hey, yeah, she got it going on like hell, yeah. She's my wildcat of my health, is better than my ever after. I gotta go get my Jolene, my. She blows me up, she turns me on. Need a firecracker, she's a cherry bomb. Blows me up, she turns me on. Need a firecracker, she's a cherry bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Cracker, she's a cherry bomb.